Chapitre 5. Madame Fulbert. Le binocle d'écaille, le bureau de tabac, le patron, le directeur de la Sûreté Générale s'agitaient. Le président alluma une cigarette au cigare du bureau de tabac, en aspirant légèrement la fumée, regardant un instant celle-ci monter en volute bleuâtre vers le plafond, et prononça. Et maintenant, c'est contre nous que se tourne l'épouvantable expérience. Devons-nous vraiment la craindre? Demanda d'une voix hésitante le bureau de tabac. Comment? Si nous devons la craindre, s'exclama le binocle d'écaille. On va bien, mon cher collègue, vous n'avez pas entendu Nourri. Dois-je faire entrer Nourri? Interrogea le directeur de la Sûreté Générale. Non, répondit le président. Faites introduire d'abord Madame Fulbert. Tout le monde se leva à l'entrée de Madame Fulbert. Le président lui adressa quelques bonnes paroles réconfortantes, lui confirmant la nouvelle qui lui avait déjà été communiquée que son mari et sa fille étaient prisonniers en Allemagne, mais en bonne santé, ne courant apparemment aucun danger, et qu'il fallait dès lors ne pas désespérer de les voir bientôt sortir de cette affreuse aventure. Après quoi, Madame Fulbert fut priée de s'asseoir. Elle s'assit en remuant doucement la tête. C'était cette bonne vieille dame que Rouletabille avait remarquée dans le vestibule. Elle avait un visage flétri et douloureux, et toute la tristesse qui était répandue en elle semblait aussi vieille qu'elle. « Pourriez-vous, madame, demanda le président, nous donner quelques détails sur les conditions dans lesquelles s'est produit l'enlèvement de votre mari et de votre fille ?»« J'ai déjà répondu à cette question, fit la vieille dame, d'une voix douce, comme celle d'une petite fille. Je n'ai rien vu, ni rien entendu. Qu'ajouterais-je de plus? J'ai été ligoté, bâillonné d'obscurité, et je me suis évanoui de terreur. Pendant la soirée, le Polonais est-il resté tout le temps avec vous? Est-il rentré avec vous? S'est-il couché à la même heure que vous? J'ai tout lieu de le croire, monsieur. Il nous a souhaité une bonne nuit à tous, et il s'est enfermé dans sa chambre. Vous ne vous doutiez de rien? Vous êtes tous endormis plein d'espoir? Oh, plein d'espoir, interrompit la vieille, en ce qui me concerne. Je n'en ai plus depuis longtemps. Mon mari n'a jamais été heureux en rien. Tout ce qu'il a entrepris s'est toujours tourné contre lui, contre nous. Ça devait finir ainsi. Ses inventions nous ont ruinés, et lui ont valu des tracas sans nombre. La dot de ma fille, après la mienne, s'est fondue dans le creuset de ses coûteuses expériences. Cependant, ni ma fille ni moi ne nous sommes plaintes, et nous ne pleurons jamais. Nous aimons cet homme, comme Dieu l'a fait. Est-ce que votre fille, madame, n'était pas fiancée à l'aide de monsieur Fulbert? Demanda le président. Oui, monsieur, et cela aussi, à mes yeux, fut un malheur. Je savais ce que j'avais souffert avec un inventeur, et j'aurais voulu que ma fille pût jouir d'une autre existence que celle qui m'avait été faite. Mais tout de suite, je m'avouai vaincu. Nicole va sur ses 25 ans, elle a beau être jolie, elle n'a pas le sou. Enfin, elle aime son Polonais. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur l'aide de M. Fulbert? Questionna alors le binocle d'écaille. Dans les circonstances présentes, il pourrait nous être très précieux. Nous ne voulons pas vous surprendre. La première idée qui nous est venue a été que dans l'affaire d'enlèvement et du vol des plans de la Titania, cet étranger vous avait peut-être desservi. Ah, cela, monsieur le ministre, je ne le pense pas, répondit la vieille dame, sans élever la voix. Non, je ne le pense vraiment pas. Je me mettrai ma main au feu que Serge Rejitsky est incapable de nous trahir. En tout cas, s'il avait voulu, il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Certes, il était au courant de tous les secrets et de toutes les imaginations de mon mari auxquelles il ajoutait les siennes. Il n'ignorait rien du mécanisme le plus caché de la Titania. Rien, monsieur. Même ce que votre mari avait jugé bon de ne pas dévoiler à M. Cromer, son aide le connaissait. Oui, monsieur, il savait tout. Voilà qui est catégorique, fit observer le binocle d'écaille en regardant les deux autres hauts personnages. Le Polonais sait tout. Et il peut tout. Il y eut un silence, puis le président reprit. Pour que vous nous affirmiez, madame, d'une façon aussi nette, que cet homme est incapable d'abuser des secrets qu'il possède, c'est sans doute que vous le croyez entièrement dévoué à la France, ou au moins à la cause des Alliés. Non, monsieur, non. Ce n'est point pour une raison patriotique quelconque que je le crois incapable d'une infamie. Si j'ai parlé ainsi, c'est que je connais son caractère, et ainsi son amour, ma fille. » Ici, le directeur de la Sûreté Générale demanda la permission de poser une question. « Savez-vous, madame, que Serge Jusqui n'est pas le vrai nom du fiancé de Mademoiselle Fulbert ?»« Nous le savons, monsieur le directeur, il s'appelle Serge Kanievski, de son vrai nom. » Et sous ce nom, il a été traqué en Pologne et en Russie, poursuivi en France lors du procès des anarchistes, condamné à 5 années de prison, qu'il a fait bien qu'on n'ait rien pu prouver contre lui de bien précis. Bref, interrompit le chef de la sûreté, c'est un homme qui a beaucoup souffert et qui croit avoir été injustement condamné par la France. C'est un homme qui ne doit pas beaucoup aimer la France. C'est possible, monsieur. Mais ma fille l'aime, elle, la France. Et vous pouvez être sûr que son Serge fera comme s'il l'aimait lui aussi. Car, dans cet ordre d'idées, Serge sait parfaitement que ma fille ne lui pardonnerait point, sans parler de trahison, une simple défaillance. Or, pour Serge, je le répète, il n'y a plus au monde que ma fille. Il est arrivé chez nous, mourant de faim, mis à l'index par toutes les polices de la terre, avec des idées formidables de vengeance contre le genre humain. Cet homme n'avait encore connu que la haine. Il était laid, moralement et physiquement. Vous entendez mes yeux? Physiquement, plutôt très laid que laid. Il a suffi que ma fille se penchât sur cette épave. Et un autre homme est né. Maintenant, Serge connaît ce que c'est que d'être aimé. Car ma fille l'aime à cause de son âme de feu, sur de la sienne. Maintenant, Serge connaît l'amour. Le reste, le passé, le présent, l'avenir, en dehors de cet amour, n'existe plus. Il ferait sauter le monde pour un sourire de ma fille. Il ne tuera pas une mouche pour ne pas lui faire de chagrin. Vous pouvez être tranquille, monsieur, bien tranquille. » Et la bonne triste vieille, hochant la tête, semblait vouloir rassurer tout le monde. Ces messieurs la remercièrent, lui adressèrent encore quelques bonnes paroles. Le directeur de la sûreté la conduisit jusque dans le vestibule. Quand il revint, ces messieurs étaient tous d'accord pour proclamer que les propos de la vieille, loin des tranquillisés, avaient augmenté leur inquiétude d'une façon considérable. « Mon avis, déclara le directeur de l'époque, c'est que maintenant nous devons tout redouter. En tout cas, exprima le binocle d'écaille, nous devons agir comme si nous avions tout à redouter. Et agir sans perdre une minute, ajouta le bureau de tabac. « Faites entrer Nourri, ordonna le président.